parles une langue étrangère, toi ? Non. Pas du tout ? Non. Même pas un peu d'anglais ou un truc comme ça ? Si, un petit peu. Tu sais que je parle russe, moi ? Non. Tu crois pas que je parle russe ? Je sais pas. Tu sais pas ? Si, regarde. Ça, c'est pas du vrai russe. C'est non, pas c'est du vrai russe, ça ? Ouais. C'est du faux russe. C'est du faux russe. Ça ressemble à du russe. Et tu crois que c'est pas du russe ? Parce que non. De toute façon, tu me l'avais dit avant. Ah, bah alors si je te l'ai dit, voilà. On va quand même s'entraîner ensemble.